Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée, par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 11. Explication du second vers de la première strophe. Le fruit des rigoureuses épreuves de l'âme est une véhémente passion d'amour de Dieu. Embrasé d'un amour plein d'anxiété, ce vers fait connaître le feu d'amour qui s'allume dans l'âme, à la faveur de la crucifiante nuit de contemplation, et qui agit sur elle comme le feu matériel sur le bois. Ces ardeurs ont une certaine analogie avec les angoisses de la partie sensitive de l'âme, dont nous nous sommes déjà entretenus. Cependant, il y a entre ces deux purifications une différence aussi notable qu'entre le corps et l'âme, entre la partie spirituelle et la partie sensible. Le feu d'amour qui nous occupe actuellement s'allume dans l'esprit, où l'âme se sent blessée d'un trait d'amour vif et aigu, accompagné d'un certain pressentiment de la présence de Dieu, sans pouvoir toutefois rien définir de particulier, à cause des ténèbres dont son entendement est enveloppé. L'esprit est enflammé d'un amour véhément, car ces embrasements spirituels prennent la forme de passion, précisément parce qu'ils sont octroyés à l'âme d'une manière infuse. Aussi son attitude doit-elle être avant tout passive. Cet amour est déjà un premier degré de la parfaite union, et il participe en quelque manière à ses propriétés. C'est, à vrai dire, l'œuvre de Dieu plutôt que celle de l'âme, dont toute la coopération consiste à donner un simple et amoureux consentement. Mais la chaleur, la force et la nature de cette passion, ou de cet embrasement, comme on l'appelle ici, procède du seul amour de Dieu qui s'unit à l'âme. Plus cette dernière a été généreuse à mortifier et à assujettir ses appétits, en leur refusant toute jouissance venue du ciel ou de la terre, plus l'amour trouve en elle de disposition et de capacité pour la blesser, et pour hâter la consommation de l'union. Les ténèbres de la purification favorisent admirablement ce travail. C'est là, en effet, où Dieu sèvre les puissances de tout ce qui pourrait satisfaire leurs désirs. Le but du Seigneur est de les séparer ainsi de toutes choses, et de les concentrer en lui seul, afin que l'âme soit plus forte et mieux préparée pour contracter la sublime union d'amour, dont cette purification est le premier moyen. Si l'âme se répandait sur un autre objet, comment pourrait-elle consacrer à son bien, aimer toute la force de ses affections spirituelles et sensitives, afin de se disposer à recevoir la plénitude d'amour de cette union? David disait à Dieu, « C'est en vous que je conserverai toute ma force », Psaume 58, 10, c'est-à-dire tous les attraits, toutes les forces de mes puissances, sans leur permettre de se dissiper ou de se satisfaire en dehors de vous. On peut juger à présent de l'intensité de cet incendie d'amour, puisque Dieu tient en main les forces, les puissances, les passions spirituelles et sensitives de l'âme, et les réunit tout dans une parfaite harmonie, pour les employer à aimer leur Créateur. Ainsi s'accomplit en vérité, et dans toute sa perfection, le premier commandement du Décalogue, qui, sans violenter la liberté de l'homme, fait tout converger en lui vers ce centre de l'amour. Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces. Deutéronome 6, 5. Le feu divin s'empare des puissances et des forces de l'âme, les émeut, les blesse et les passionne, qui peut alors se faire une idée de l'impétuosité des affections ainsi blessées et embrasées d'un ardent amour, qui cependant ne les rassasit pas. Au milieu des obscurités et des incertitudes de cet état, leur faim augmente au contraire, À mesure que Dieu se communique davantage, le contact de ces flammes divines consume l'esprit, et excite en lui une soif inextinguible, il s'agite dans l'ardeur de ses désirs et de ses aspirations vers Dieu, ardeur dévorante qu'exprimait si bien David dans ce psaume. Mon âme brûle d'une soif ardente pour vous, en combien de manières ma chair se sent-elle pressée de cette ardeur. Psaume 62, 2. Une autre version porte, mon âme a eu soif de vous, mon âme se meurt du désir de vous posséder. Sous l'influence d'un semblable sentiment, l'âme s'écrie, embrasée d'un amour plein d'anxiété, chaque pensée qui se présente à son imagination, chaque action, chaque événement est un nouvel aliment pour son amour, en tout temps, en tout lieu ses désirs la torturent sans relâche, et le puissant aiguillon qui la blesse ne lui laisse aucun repos. Le saint homme Job nous fait une admirable description de cet état. Comme un esclave soupire après l'ombre, comme un mercenaire attend la fin de son labeur, ainsi j'ai eu des mois vides, et j'ai compté des nuits pleines d'angoisse. Si je m'endors, je dis aussitôt, quand me lèverai, je, et de nouveau je soupire après le soir, je suis rempli de douleur jusqu'à la nuit. Job 7, 2, 3, 4. Tout devient étroit et restreint pour l'âme, ses désirs, plus vastes que le ciel et la terre, ne peuvent plus être contenus en elles-mêmes, et ses amertumes atteignent jusqu'à l'horreur des ténèbres dont parle Job. Ces ténèbres, dans le langage spirituel, sont synonymes d'une souffrance sans consolation, d'une douleur sans espérance d'être soulagée par aucune lumière, ou par aucun secours surnaturel. Deux causes contribuent à augmenter l'anxiété et le tourment de l'âme au milieu de cette fournaise d'amour. D'une part, les ténèbres spirituelles dont l'âme est enveloppée, l'accable de crainte et de doute pénible. D'autre part, l'amour divin qui l'enflamme, la presse merveilleusement avec l'aiguillon de son amoureuse blessure. Isaïe dépeint fort bien cette double souffrance. Mon âme vous a désiré pendant la nuit, Isaïe 26, 9, c'est-à-dire au milieu de sa misère. C'est la première cause de souffrance produite par la nuit obscure. Je aime et veillerai dès le point du jour pour vous chercher de toute l'étendue de mon esprit et de mon cœur. Isaïe XV, 9, ajoute ce prophète. C'est la seconde cause des peines occasionnées par les désirs et les anxiétés de l'amour dans le sanctuaire intime de l'âme, qui sont ses affections, mais au milieu de ces peines, à la fois pleines d'obscurité et d'amour, l'âme ne laisse pas que de sentir une certaine assistance et une force intérieure, qui l'accompagne partout et soutiennent son courage, à tel point que le poids des ténèbres ensalées les gens, la laisse d'ordinaire dans la faiblesse, le vide et la solitude. En effet, la force et l'énergie de l'âme lui étaient communiquées passivement par le feu ténébreux d'amour qui l'environnait. Or, ce feu vient-il à s'éteindre? Les ténèbres, la force et les ardeurs de l'amour cessent aussitôt dans l'âme. Chapitre 12. Les horreurs de la nuit obscure sont un vrai purgatoire. La divine sagesse éclaire les hommes sur la terre, de la même manière dont elle purifie et illumine les anges dans le ciel. Toute la doctrine développée jusqu'ici tend à démontrer comment ce feu d'amour de la nuit obscure purifie l'âme et l'embrase au sein des ténèbres. En outre, de même qu'un feu obscur et matériel sert à purifier les prédestinés dans le purgatoire, ainsi les âmes se purifient ici-bas sous l'action d'un feu d'amour, ténébreux et spirituel. Toute la différence est que le feu matériel délivre de leur souillure les âmes du purgatoire, et que l'amour affranchit de leur tâche celles qui sont encore en ce monde. David demandait cet amour en ces termes. Créez en moi un cœur pur, ô mon Dieu, etc. Psaume 50, 11. Car la pureté de cœur n'est autre chose que l'amour et la grâce de Dieu. Aussi notre adorable Sauveur appelle-t-il les cœurs purs bienheureux. c'est-à-dire enflammé d'amour. Parce que la béatitude est la récompense de l'amour, Dieu ne communique jamais sa sagesse mystique sans y joindre l'amour, par lequel elle se répand, à la lueur des flammes de cette amoureuse sagesse, l'âme se purifie et s'illumine. Comme le prouve ce passage de Jérémie, « Il a envoyé d'en haut un feu dans mes os, et il m'a enseigné, Lamentations 1:13. Le roi prophète dit que la sagesse de Dieu est un argent éprouvé dans le creuset de l'amour, Psaume 11:7. Selon le besoin et la capacité des âmes, la contemplation obscure les remplit de sagesse et d'amour, les éclaire et dissipe leurs ignorances. Le sage en avait fait lui-même l'expérience, lorsqu'il disait, « Il a éclairé mes ignorances. » Ecclésiaste 51, 26, ut inalicibus bibliis abetur. Considérons encore que la même sagesse, dont l'influence merveilleuse purifie les anges de leurs ignorances, apporte aux âmes ici-bas, pureté et lumière, les splendeurs divines, en passant par les premières hiérarchies, se répandent successivement sur les autres, pour être départis ensuite aux hommes par leur entremise. C'est donc avec raison que la Sainte Écriture attribue à Dieu, ou à ses anges, les œuvres et les inspirations qui se produisent par leurs moyens. Ils sont les intermédiaires ordinaires du Très-Haut, et se transmettent les uns aux autres ses ordres sans le moindre délai. Comme les rayons du soleil traversent plusieurs vitres placées en ligne droite, le rayon les pénètre toutes à la vérité, cependant chacune renvoie sa lumière à la suivante, avec une modification proportionnée à sa position plus ou moins éloignée du soleil. Ainsi en est-il des cœurs angéliques, les esprits plus rapprochés de Dieu reçoivent une lumière, et sont capables d'une purification plus complète. Tandis que les hiérarchies inférieures sont l'objet d'une illumination plus éloignée et moins parfaite, l'ange est évidemment par sa nature plus apte à recevoir les influences célestes, qui l'illuminent et l'embrassent d'amour à la manière des purs esprits, mais l'homme, inférieur aux anges, participe à la lumière de contemplation dans la mesure de la volonté divine, et selon les limites de sa capacité. Cet être faible et impur n'est illuminé qu'au milieu des obscurités, des peines et des angoisses. C'est ainsi que l'éblouissante clarté du soleil blesse douloureusement une vue délicate. Sous l'action du feu d'amour, l'homme se purifie, se spiritualise, se subtilise, et devient plus apte à participer comme les anges amoureuses influences de l'union, avec la grâce de Dieu. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. Il est des âmes qui, dès cette vie, reçoivent une illumination plus parfaite que les anges. Cependant ici-bas, cette contemplation et cette connaissance sont toujours accompagnées des souffrances et des angoisses de l'amour, dont les ardeurs et les désirs véhéments ne sont pas continuels. Au début de la purification spirituelle, l'action du feu consiste moins à enflammer l'âme, qu'elle a préparée et à la dessécher, comme le bois auquel nous l'avons comparé. Mais quand ces flammes l'ont envahie, elles lui font ressentir les ardeurs brûlantes de l'amour. L'entendement a été également purifié au sein de la nuit obscure. Aussi arrive-t-il parfois que cette théologie mystique, ou amoureuse contemplation, l'illumine des mêmes flammes dont elle blesse la volonté, excitée par la lumière surnaturelle et divine de cette connaissance. La volonté s'anime d'une merveilleuse ferveur, le feu d'amour qui brûle en elle s'échappe en vive flamme et la rend semblable à un foyer ardent. Elle expérimente ainsi la parole de David, « Mon cœur s'est échauffé au-dedans de moi-même, et le feu s'allumera dans ma méditation. » Psaume 38, 4, l'union des deux puissances, au milieu de cet incendie, apporte à l'âme d'immenses richesses et des délices ineffables, sous le voile des ténèbres. Déjà elle commence à jouir de la parfaite union d'amour, unique objet de ses aspirations. On ne peut espérer recevoir ces touches sublimes de connaissance et d'amour, avant d'avoir essuyé de nombreuses tribulations, et supporté le poids des pénibles labeurs de la purification. Toutefois, pour atteindre les degrés inférieurs de la perfection, que le plus grand nombre des âmes ne sont pas appelées à dépasser, une purification aussi rigoureuse n'est pas nécessaire. Chapitre 13. Autres effets merveilleux de la nuit obscure de contemplation. Cet embrasement divin nous fait conjecturer quelques-uns des précieux résultats de la nuit obscure. En dépit des ténèbres qui l'environnent, l'âme est envahie par une illumination soudaine, la lumière luit alors dans les ténèbres. Comme le dit Saint Jean, In 1:5, cette influence mystique rayonne directement sur l'entendement, la volonté y participe dans un certain degré, avec une paix et une simplicité si délectables, que le langage humain ne trouve pas de terme pour l'exprimer. L'âme goûte Dieu, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parfois l'intelligence et la volonté sont blessées simultanément, le feu de l'amour redouble de force et d'élévation, et ces deux puissances s'unissent avec d'autant plus de perfection et de délicatesse, que la purification de l'entendement est plus complète. Mais avant d'en arriver là, la touche de l'embrasement dans la volonté précède le plus souvent la touche d'une parfaite connaissance dans l'intelligence. L'Esprit Saint est le principe de ce feu et de cette soif d'amour, aussi leurs ardeurs diffèrent-elles de celles dont nous avons parlé dans la nuit sensitive. Les sens ont ici leur part, on ne peut le nier, puisque les peines de l'esprit rejaillissent sur eux. Néanmoins, la soif d'amour a sa source vive dans la partie supérieure de l'âme, c'est-à-dire dans l'esprit. Celui-ci ressent en lui même la privation d'un bien immense que rien ne peut remplacer. Il comprend à la fois ce qui lui manque et ce à quoi il aspire, de sorte qu'il compte pour rien toutes les souffrances des sens. Elle dépasse cependant sans comparaison les amertumes de la première nuit. Nous ferons de nouveau remarquer ici que ces ardeurs de l'amour n'atteignent pas toute leur intensité dès le commencement de la nuit de l'esprit. Il faut laisser au feu le temps d'achever son œuvre, mais dès le principe Dieu fait germer en l'âme un amour d'estime si grand, que la seule crainte d'avoir perdu son Dieu ou d'en être abandonné est la cause de toutes les souffrances et de toutes les peines de cette âme. Tour à tour elle passe des anxiétés d'un amour ardent à celles d'un amour d'estime, et l'incertitude même dont nous parlions, il y a un instant, est le plus terrible de ses tourments. Ces épreuves lui pèseraient fort peu, si elle n'appréhendait pas d'être sous le coup de la colère divine, ou si elle pouvait se convaincre que tout cela arrive pour son plus grand bien. Ce qui est indubitable, quel bonheur ne ressentirait-elle pas, au contraire, de savoir que le Seigneur a ses peines pour agréables, son amour d'estime pour Dieu est si violent que, malgré l'obscurité dont elle est environnée, elle consentirait non seulement à endurer ses tourments, mais encore elle éprouverait une joie indicible à sacrifier 1000 vies au bon vouloir divin. Quant à l'amour d'estime viennent s'ajouter maintenant les vives flammes de l'amour consumant. L'âme ne connaît plus de bornes, intrépide, passionnée pour le bien-aimé, qui a allumé en son cœur un tel incendie, elle s'anime d'une sainte audace, et forte de l'ivresse de l'amour. Elle entreprend des choses étranges et inusitées, elle n'a plus d'égard à ce qu'elle fait, et franchit tous les obstacles pour étreindre celui qu'aime son âme. Marie Magdeleine était enivrée d'un semblable amour. Lorsque peu soucieuse de sa noblesse et de l'illustre assemblée des convives du pharisien, elle vint se jeter aux pieds de celui dont l'amour avait blessé son cœur, peu lui importait que le moment fût inopportun pour répandre des larmes et faire entendre des sanglots au milieu d'un festin. Elle n'avait qu'une pensée, arriver au plus tôt jusqu'aux pieds du Sauveur. Luc 7:37. La hardiesse et la passion de l'amant de Jésus l'entraînèrent ensuite au tombeau, où le corps de son bien-aimé reposait dans le sépulcre. Gardée par des soldats, la pierre était scellée, elle le savait, mais aucun de ces obstacles ne se dressa devant elle, pour l'empêcher de s'y rendre avant le jour, afin d'embaumer le corps de ses parfums. Enfin, l'anxiété et l'ivresse de l'amour lui firent demander à celui qu'elle croyait être le jardinier, s'il avait enlevé son seigneur, comme elle le supposait, et où il l'avait mis, parce qu'elle l'emporterait. Jean 20, 15, question imprudente, insensée au jugement de la raison humaine, le prétendu jardinier l'eût-il enlevé? En effet, évidemment il se serait bien gardé de le lui dire, et encore moins lui eût-il permis de l'emporter, mais tel est le propre d'un amour fort et véhément, de croire tout possible et de supposer que chacun partage ses sentiments. Tout le monde, lui semble-t-il, doit trouver aimable ce qu'il aime, et nul autre objet n'est à ses yeux digne de sollicitude et de recherche. L'épouse des Cantiques s'élançait à la poursuite de son épouse à travers les places et les faubourgs, persuadée que tous se sentaient pressés des mêmes ardeurs. Elle les conjurait, s'il rencontrait son bien-aimé, de lui dire qu'elle languissait d'amour. Cantique 5, 8. Ainsi le violent amour de Marie-Magdeleine lui fit croire possible d'emporter, malgré toutes les défenses, le corps de son Seigneur. Telles sont les anxiétés amoureuses de l'âme déjà avancée dans la perfection. Elle se lève au milieu de la nuit, c'est à dire au milieu des ténèbres qui purifient les affections de la volonté, comme la lionne ou l'ours s'élance avec fureur à la poursuite de ses petits qu'on lui a ravis. Ainsi cette âme blessée vole à la recherche de son Dieu, l'obscurité dont elle est environnée lui dérobe sa présence, et elle se meurt d'amour pour lui. En effet, l'amour impatient ne saurait subsister longtemps dans un cœur sans lui donner la mort, ou sans lui apporter l'objet de ses vœux. Semblable à Rachel à qui le désir d'une nombreuse postérité arrachait ce cri, « Donnez-moi des enfants, ou je mourrai », Genèse 30, 1. Mais on peut se demander ici comment l'âme, malgré l'état misérable et indigne de Dieu où elle se voit réduite dans ses ténèbres, peut avoir assez de hardiesse et de présomption pour aspirer à l'union de cet unique bien. Il est facile de répondre, car la propriété de l'amour est de désirer l'union, la conformité, la ressemblance avec l'objet aimé, pour s'en assurer la possession. Or si l'âme n'est pas encore perfectionnée dans l'amour, parce qu'elle n'a pas atteint le degré de l'union parfaite, déjà cependant l'amour lui a donné des forces pour aimer véritablement, excité par la passion que l'amour communique à sa volonté, pressé de la faim, dévorée de la soif du bien de l'union, dont elle ne jouit pas encore. Sa hardiesse et son courage s'accroissent à proportion du degré d'embrasement de la volonté, tandis que l'entendement enseveli dans l'obscurité ne lui laisse apercevoir que sa misère et son indignité. Il ne sera pas inutile de rappeler ici pourquoi la lumière divine, qui est la vraie lumière de l'âme, est accompagnée de ténèbres et d'afflictions, et ne la fait pas dès lors jouir de ses splendeurs comme elle le fera plus tard, on le sait déjà. Toutefois il est bon de le spécifier davantage, les ténèbres et les souffrances qui envahissent l'âme sous les influences de la divine lumière, ne sont pas les effets de la lumière elle-même, mais des imperfections de l'âme mises en plein jour. Les yeux de l'âme sont ouverts, et la première chose qui frappe sa vue, ce sont ses ignorances et ses propres misères, c'est-à-dire ce qui est plus proche d'elle, ou pour mieux dire en elle. La miséricorde infinie de Dieu lui découvre alors ce qu'elle n'apercevait pas avant d'être illuminée des clartés célestes. Telle est la raison de ses angoisses et de ses épreuves, mais l'heure des ténèbres une fois écoulée, alors que ses imperfections auront disparu, l'œil de l'âme purifié par la connaissance et le sentiment de ses maux, pourra contempler sans souffrance les biens et les splendeurs de la divine lumière, les richesses et les avantages de cette bienheureuse nuit. Après cela, comment ne pas reconnaître la grâce inappréciable que Dieu fait à l'âme, en la purifiant par le feu de ses amères tribulations et de ses fortes épreuves, il la dépouille ainsi de toutes les affections et de toutes les habitudes imparfaites, dans l'ordre temporel, naturel, sensitif et spirituel, il plonge dans l'obscurité les puissances intérieures, leur refuse tout aliment, éprouve par l'aridité les affections sensibles et spirituelles, affaiblit et atténue les forces naturelles de l'âme, résultat qu'elle n'aurait jamais pu obtenir par ses seules forces, comme nous l'expliquerons plus loin. Dieu la sépare alors de tout ce qui n'est pas lui, en d'autres termes, il lui enlève ses anciens vêtements, pour la revêtir de ceux de l'homme nouveau qui est créé selon Dieu, Éphésiens 4, 24, au dire de l'apôtre, sa jeunesse est ainsi renouvelée comme celle de l'aigle. Cette transformation illumine l'entendement d'une lumière surnaturelle, qui l'unit à l'Esprit de Dieu, et d'humain qu'il était le change en divin, à son tour la volonté embrasée d'amour devient toute divine, elle aime divinement, et s'identifie avec la volonté de Dieu, en un mot, la mémoire, les affections, les passions sont toutes renouvelées selon Dieu, et l'âme devient une âme du ciel, plutôt divine qu'humaine, tout cela Dieu l'opère à la faveur de la nuit obscure, qui illumine l'âme et l'embrasse d'un ardent désir de posséder Dieu seul, sans être distraite de son amour par aucun autre objet. C'est donc à juste titre que l'âme ajoute aussitôt le troisième vers de la strophe, qui formera, avec les deux derniers, la matière du chapitre suivant.